Et tout de suite, on écoute Doris et Vincent. Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien. Bonjour Vincent. Bonjour Doris. Alors aujourd'hui tu nous présentes un livre sur Don Cherry. Ouais, sur Don Cherry et puis sa femme Moki. C'est un livre, pas vraiment un livre, c'est aussi, c'est surtout une revue, un numéro d'une revue, mais qui est énorme, qui fait presque 500 pages. Et la revue en elle-même s'appelle Blank Forms. Et je crois qu'ils ont changé de nom parce que ça s'appelait Blank Forms Journal avant. C'est édité à New York et c'est un gros pavé autour de la figure de Don Cherry et Moki Cherry. Tu peux nous en dire un peu plus sur Don et Moki Cherry? Alors, Don Cherry, c'est un trompettiste afro-américain qui a un très très long parcours, qui va des années 50, plus ou moins du milieu des années 50, fin des années 50, jusqu'aux années 90, où il meurt. Et il a une carrière qui commence dans le jazz relativement classique, avec très rapidement un tournant vers le free jazz. Et il est célèbre comme trompettiste de free jazz, mais c'est aussi quelqu'un qui a énormément collaboré, qui a énormément expérimenté avec beaucoup de styles de musique, toujours avec un élément assez important qui vient du jazz, mais des musiques extra-européennes, de la musique minimaliste, des musiques du monde entier, si on veut, même si pas le terme musique du monde très approprié dans ce cadre-là. Et il a vraiment couvert des domaines musicaux très très très larges. Et Moki Cherry, donc, c'est sa compagne. Et je crois savoir que toi, t'en sais aussi un peu plus que moi sur Moki Cherry. J'ai été voir l'exposition de Don Cherry et Moki Cherry. Et il faisait plein de choses avec plein de sons avec la nature. Et aussi, c'était des artistes assez extravertis, donc et avant-garde. Et il faisait des stages avec des enfants et ils ont élevé leurs deux enfants. Enfin, je ne sais pas si c'est très correct pour Néné Cherry, mais en tout cas, ils ont élevé Néné Cherry et Eagle Eye. Et après, Néné est devenu aussi très célèbre. Ouais, c'est ça. On connaît beaucoup de gens d'une certaine génération connaissent bien Néné Cherry parce qu'elle a un long parcours elle-même. Il faut dire que peut-être quelques informations sur Moki. Elle est, je crois, d'origine suédoise. Ils se sont rencontrés quand elle avait 18 ou 19 ans, donc extrêmement tôt, et elle avait déjà eu une Néné Cherry à cet âge-là, et ensemble ils ont fait énormément de collaborations, mais aussi Mocky Cherry est très connu pour avoir fait les couvertures des disques de Don Cherry, enfin certaines couvertures de disques qui sont assez, assez iconiques comme ça. Et puis la raison aussi pour laquelle on parle de Don Cherry dans ce contexte, dans le contexte d'un festival comme Archipel, au sens très large de la musique, c'est aussi que Don Cherry, même s'il y a très peu de jazz au fait, enfin de jazz ou affilié ou des choses qui ont trait au jazz dans le cadre du festival Archipel, voilà, on trouvait avec toi, Doris, intéressant de présenter le travail de Don et Mocky Cherry parce qu'ils ont, collaboré avec énormément de gens que le festival a présenté, notamment Penderecki, Terry Riley ou des gens comme ça qui sont des figures beaucoup plus proches des domaines d'activité du festival. Plus précisément, dans la musique que faisait Don Cherry, c'était beaucoup de chants africains. Ouais, entre autres, il a vraiment couvert, à ma connaissance, il était passionné par énormément de musique, des musiques d'Asie, du continent africain. Évidemment, il était passionné par la musique classique indienne. Et il a collaboré avec des musiciens de partout, notamment dans des tournées. Je crois qu'il faisait aussi des tournées en bus, un peu à la bonne franquette, si on veut. Et il se retrouvait à jouer avec des musiciens locaux un peu aux quatre coins du monde tout au long des années 60, 70, 80 et 90. Dans les années 90, il était à New York. Il a aussi fait des choses qui se rapprochent un peu plus des musiques un peu urbaines de l'époque, un peu le hip-hop aussi qui était fait à cette période-là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut aussi dire qu'il a flirté aussi avec la musique classique d'avant-garde. Il a sorti pas mal de disques sur un label qui s'appelle ECM, qui était vraiment une sorte de melting pot musical dans l'idée de vraiment tout mettre un peu, toutes les influences des quatre coins du monde dans une marmite et puis essayer de créer une musique crossover, qui est un terme qu'on utilise pour ce genre de choses. Don Cherry faisait du piano, de la flûte, c'était une famille très musicale, il faisait de la batterie, vraiment des percussions, plein de sortes d'instruments différents, c'est très intéressant. Merci Vincent. Ouais. Merci beaucoup Doris. À demain. À demain. Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien.